personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des... Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir avec aujourd'hui Sandra Calniette. En 2004, l'Académie des sciences morales et politiques sous la présidence de Michel Albert a consacré 32 séances à l'étude de l'Europe sous tous ses aspects. Ce sont ces séances, enregistrées par France Culture, que nous vous proposons d'écouter le matin. Ces conférences sont publiées par les presses universitaires de France. On les trouve en librairie depuis mai 2005, sous le titre « Regards croisés sur l'Europe ». Je suis née au Goulag le 22 décembre 1952, dans le village de Togour, district de Kolpachevo, région de Tomsk. Mes parents n'ont pas voulu offrir d'autres esclaves au pouvoir soviétique. Je n'ai eu ni frère ni sœur. Nous sommes rentrés en Lettonie le 30 mai 1957. Ainsi, l'ancienne commissaire européenne lettonne, Sandra Calniette, parle-t-elle de sa vie. Après des études d'histoire de l'art, elle passera plus tard par les universités de Genève et de Lille. Elle travaille à l'Académie lettonne des arts à Riga et sera secrétaire générale de l'Union lettonne des artistes. Lorsque s'ouvre l'ère Gorbatchev en URSS, elle devient vice-présidente du Conseil de coordination du Front populaire letton. Lors de l'indépendance de la Lettonie, elle est nommée chef du protocole et vice-ministre des Affaires étrangères, puis ambassadrice, successivement auprès des Nations Unies à Genève, en France, auprès de l'UNESCO, avant de devenir ministre des Affaires étrangères. Lorsque son pays rejoint l'Union européenne, elle entre à la Commission de Bruxelles. Elle a notamment publié « En escarpins dans les neiges de Sibérie ». Pour cette européenne convaincue, seules les valeurs européennes fortes, comme la solidarité, permettront de construire ce qui est au départ une utopie incertaine. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Chancelier honoraire, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, j'ai accepté l'invitation d'intervenir à l'Académie des sciences morales et politiques comme un grand honneur pour la Lettonie et pour moi personnellement. J'incline respectueusement ma tête devant l'ancienne histoire et réputation de cette institution. Comme tous les Européens, je suis bien consciente de l'importance de la contribution de l'Académie dans la dialectique de la pensée scientifique et sociétale française et mondiale. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement l'Académie et son président, Michel Albert, en particulier pour cette invitation, de vous présenter les sujets les pays baltes et l'Europe. Je considère ces sujets de grande actualité, car les États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, après un long éloignement, ont enfin retourné en Europe. Mais pour de nombreuses Européennes, leur présence paraît encore marginale. J'ose espérer que ma contribution d'aujourd'hui va enrichir votre compréhension des États baltes et de leurs relations parfois compliquées avec l'Europe au XXe siècle, ainsi que de leur place en Europe enfin réunie. Mesdames et Messieurs, plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'être la première. C'est ainsi que j'étais parmi les premières femmes diplomates à travailler au service diplomatique de la Lettonie après le recouvrement de son indépendance, tout au début des années 90. J'étais la première femme ministre des Affaires étrangères de Lettonie hier, jusqu'à minuit. J'avais le grand honneur et aussi l'immense responsabilité d'être la première femme commissaire de mon pays. Il est difficile à réaliser la véritable ampleur des changements qu'ont vécu l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ces derniers temps. Je suis née au Goulag, comme vous avez justement remarqué, et a priori de mon enfance, j'étais prédestinée à la captivité. L'histoire en a valu autrement. 40 années plus tard, j'ai eu la chance d'être parmi les leaders du mouvement de libération nationale et de contribuer au recouvrement de notre indépendance. Après le désespoir de l'époque de la guerre froide et l'étroitesse d'esprit régnant dans cet espace fermé par le rideau de fer, j'ai pu pleinement vivre l'ampleur de la réconciliation de l'histoire avec la géographie grâce à la réunification de l'Europe. C'est justement mon vécu personnel qui m'a fait devenir une Européenne convaincue, avec comme valeur la plus importante l'esprit de tolérance et le respect pour chaque être humain. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, pour les États baltes, comme pour les pays de l'Europe centrale et orientale, il n'y a pas d'autre choix que celui d'être membre de l'Union européenne, comme pour l'Union européenne, il n'y a pas d'autre choix que la poursuite de son projet de coopération et d'intégration vers une union des États de plus en plus étroite. Ma vision de l'Union européenne est celle d'une union des États-nations, conjuguant leur potentiel politique et économique pour accroître leur influence dans le monde. Je suis convaincue que l'adhésion des 10 nouveaux pays qui vivent une période de croissance notable apportera également une forte impulsion au renforcement du rôle de l'Union européenne dans le monde. Les pays baltes partagent avec d'autres européennes la conviction que l'Europe doit se moderniser et gagner dans sa compétitivité. C'est justement l'esprit de réforme, le courage du gouvernement de prendre des décisions parfois douloureuses et impopulaires qui caractérisent les nouveaux États membres. Nous sommes déterminés à ne pas lâcher du lest sur cette dynamique de réforme. Chaque nouvelle adhésion apporte sa contribution singulière au patrimoine particulièrement riche de langues, de cultures et de traditions de l'Union européenne. Pour les pays baltes qui ont vécu sous un régime totalitaire, le droit à la diversité relève d'une valeur particulière. Pendant longtemps, c'est justement l'opposé, l'impératif d'uniformisation qui a régné dans l'Union soviétique et que le régime totalitaire, à l'aide de répressions imposées à chacun et à chacune, qui aurait osé penser d'une autre manière. Pendant les 50 années d'occupation soviétique, nous l'avons vécu jusqu'à l'épuisement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes convaincus que l'esprit de tolérance, de compréhension mutuelle et du respect de l'autre doit rester le fondement pour la coopération entre les peuples et sur le continent européen. Mesdames et messieurs, souvent dans mes discours, j'utilise le terme « nous, les Européennes ». Qui sommes-nous? Comment notre auto-identification nationale, même régionale, cohabite-t-elle avec la conscience européenne? Est-ce qu'il y aurait une contradiction entre ces deux identifications? Dans les États baltes, ces questions ont été omniprésentes durant toute la campagne du référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. Ceci démontre la crainte tellement amérante à la mentalité des petites nations et parfois aussi des grandes, comme j'ai cru discerner aussi en France, de voir perdre que ce soit la moindre parcelle de ce qui leur est particulier et unique. Pour moi, comme pour de nombreux intellectuels et hommes et femmes politiques lettons, il a toujours été facile de répondre à ces questions, car les fondements de l'État et de la nation letton sont profondément ancrés en Europe. Les traits distinctifs de la nation letton se sont dessinés comme les fruits de la fusion entre l'héritage des ancêtres baltes, des traditions et la mentalité paysanne. Ils ont été forgés par les épreuves de l'histoire. C'est notre identité originelle qui, en devenant lettonne, est devenue également européenne. Selon notre héritage, notre géographie et notre histoire, nous sommes des Européennes. Or, les Lettons ne sont devenus une nation politique que lorsque le sentiment national commun est devenu une part imprescriptible des idées politiques, du système de valeurs et de l'héritage culturel de l'Europe moderne. La formation d'un État national a été le plus important pas franchi par la Lettonie pour s'intégrer pleinement à la civilisation européenne. Il est très important de prendre conscience de deux facettes de notre identité. Nous sommes des Français, Allemands, Polonais ou Lettons, et nous sommes des Européennes. Nous sommes tous à la fois des citoyens nationaux et des citoyens européennes. Il ne faut jamais oublier que la vocation de l'Europe n'est pas seulement d'être une source de bien-être ou un marché commun. L'Europe est d'abord un espace culturel où sont nées les valeurs fondamentales de la civilisation moderne. C'est en leur nom que les différents peuples européens se sont réunis. Tout au début du XXe siècle, les plus grands poètes et philosophes lettons, Reinis, avait déjà une vision sur l'avenir de l'Europe très similaire à celle qui a guidé plus tard les pères fondateurs de la communauté européenne. Reinis considérait que, et je cite, « les États nationaux vont former des fédérations de plus en plus grandes pour englober enfin des continents et l'humanité entière. De cette fédération naîtraient peut-être de nouveaux plus grands peuples avec de nouvelles langues. Or, ce ne serait pas un cosmopolitisme mécanique, mais des entités organiques et leurs unions. C'est un long chemin qui doit être parcouru. On ne pourra pas annoncer tout simplement d'un jour à l'autre la fin du parcours. » C'est frappant de constater à quel point cette vision correspond à l'esprit du traité constitutionnel signé à Rome le 29 octobre dernier. Mesdames et messieurs, la région de la mer Baltique occupe une place particulière dans l'effacement de la division stalinienne de l'Europe. Il y a près de 15 ans que sur les rives de la mer Baltique, avec la chute du mur de Berlin, commençait le processus de la réunification de l'Europe, dont l'objectif ultime fut la création d'un ensemble prospère et sûr. Au cours de la dernière décennie, la région de la mer Baltique est devenue l'une des plus dynamiques de l'Europe. Les perspectives du développement laissent présager que le rôle de la région de la mer Baltique dans l'Europe va accroître dans les années à venir. Le fait que durant 50 années, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont été rayées de la carte mentale européenne a créé une fausse impression que ces pays sont quasi identiques. Le terme commun de pays baltes dans la lexique politique ne s'est immiscé qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque suite à la chute d'empire russe ont vu le jour les États indépendants, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Après l'occupation soviétique en 1940, cette expression a été reprise par Moscou pour distinguer trois républiques soviétiques baltes. Lorsque l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont créé en 1988 d'influents mouvements de résistance populaire qui se tournaient contre le régime communiste et progressivement montaient en puissance la revendication du recouvrement de l'indépendance nationale, les journalistes, experts et hommes politiques occidentaux, dans le souci de concision, ont réintroduit dans le langage international le terme des pays baltes. Ce terme est toujours largement utilisé, même si l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie font de grands efforts pour démontrer au monde qu'elles sont des entités singulières. En réalité, leurs différences sont autant prononcées que celles qui subsistent entre, par exemple, la France et l'Espagne, ou encore la France et l'Italie. Mesdames et messieurs, les relations entre l'Europe et les trois États au cours du XXe siècle ont été très complexes, comme l'a été l'histoire du continent européen dans son ensemble. Pour la plupart des Européens occidentaux de ma génération, la guerre et même ses conséquences relèvent du niveau des connaissances théorétiques. Moi, comme la plupart des peuples de l'Europe centrale et orientale, nous percevons la guerre encore comme une expérience personnelle, puisque les Baltes ont été obligés de passer plus de 50 années derrière les rideaux de fer et sous l'emprise d'un régime totalitaire et sanglant. Pour nous, la Seconde Guerre mondiale ne s'est véritablement terminée qu'avec la chute du mur de Berlin et le retrait des troupes militaires des pays baltes. Lorsqu'il y a 6 mois et 21 jours, les 10 pays ont rejoint l'Union européenne, la page de la Seconde Guerre mondiale a pu être enfin définitivement tournée sur la carte géopolitique européenne. Je n'y dirai pas autant en ce qui concerne les conséquences de cet ancien clivage dans les esprits des Européennes. 50 années sont une période suffisamment longue pour que ces conséquences soient présentes dans les esprits encore longtemps. Elle a laissé des marques profondes dans la conscience des États baltes, qui, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, avaient perdu leur souveraineté nationale entièrement. Or, d'autres États de l'Europe centrale et orientale, grâce à la pression exercée sur les soviétiques par les alliés, avaient réussi à garder au moins une souveraineté symbolique. Il n'y a pas une seule manifestation publique en Lettonie, en Lituanie ou en Estonie, et j'en ai participé à de nombreuses, où les questions sur la grande trahison des Occidentaux ne me seraient pas posées. De même qu'il n'y a pas une seule rencontre où il ne me soit rapproché que les hommes politiques baltes n'ont pas réussi à convaincre la communauté internationale de condamner le régime communiste. Les conséquences de la décision prise à Yalta en 1945 et selon le pacte Molotov-Ribbentrop du 23 août 1939 qui laissait les 3 pays baltes à l'Union soviétique se font sentir encore aujourd'hui sous en forme d'un traumatisme permanent. Il marque notre vision des relations internationales, notre perception de la géopolitique et détermine nos choix stratégiques en matière de politique, de sécurité et d'économie. Le rideau de fer n'a pas seulement découpé l'Europe en 2 parties, il a également pris en otage les cours du temps, car la captivité a suspendu le développement naturel des États et des sociétés de l'Europe de l'Est. Cependant, après la chute du mur de Berlin, il y a eu une grande accélération du temps, autrefois suspendu. Nos États et nos nations se sont précipités pour récupérer le temps perdu, car chaque décision concernant les réformes politiques, économiques et sociales devait être prise dans un laps de temps très bref. C'était le seul moyen pour les Européennes de l'Est de sauter dans le train qui, des années auparavant, avait quitté la gare de l'Europe sans eux. La mise en œuvre de réformes a été une tâche difficile, liée souvent à une prise de décision impopulaire, pauvreté et malheur. Cependant, ceci a été plus facile à réaliser que de surmonter la confusion née du décalage du temps dans les esprits des gens, fatigués de réformes interminables. Ma plus profonde conviction est que la réunification de l'Europe ne sera réellement réussie que lorsque les dernières traces de cet ancien clivage seront effacées dans notre fort intérieur. Mesdames et messieurs, ces différences se remarquent le plus lorsque les Européennes de l'Est et les Européennes de l'Ouest comparent leur perception de l'histoire du XXe siècle. C'est une des dettes qui a laissé le siècle écouler. Quand le rideau de fer a divisé l'Europe en 2 après la Seconde Guerre mondiale, il a non seulement pris en otage le peuple de l'Europe de l'Est, mais aussi exclu leur véritable histoire de l'histoire commune de l'Europe. L'Europe venait de se remettre du flot du nazisme et il était compréhensible qu'après le bain du sang de la Seconde Guerre mondiale, elle a été trop épuisée pour concéder une autre vérité pénible, celle qui consistait à admettre que dans l'autre partie de l'Europe, les exactions continuaient et que derrière le rideau de fer, le régime soviétique poursuivait le démocide et le génocide contre ce peuple et le peuple de l'Europe de l'Est. Seulement après la chute du rideau de fer, les historiens ont été autorisés à accéder aux archives comprenant la documentation sur la terreur stalinienne ainsi que les histoires personnelles des victimes qui confirmaient la vérité que les deux régimes totalitaires, le nazisme et le stalinisme, ont été criminels. La véritable histoire de l'Europe de l'Est vaut absolument d'être intégrée en entier dans la grande histoire de l'Europe, qui autrement resterait incomplète est partielle. Je voudrais souligner que la nécessité d'avoir une évolution objective de l'histoire ne signifie pas une revendication voilée de la réécrire. Comme le reproche à Lettonie ainsi qu'à d'autres peuples de l'Europe de l'Est, la Russie. En réalité, cette histoire n'avait jamais été écrite, car jusqu'à la fin de la guerre froide, histoire derrière les rideaux de fer a été mise au service de l'idéologie communiste et à la lutte de classe. L'Union soviétique s'est éclatée en 1991, mais jusqu'à ce jour, son successeur de droit, la Russie, nie toute responsabilité pour les crimes du régime stalinien et brejnevien, commis contre des millions de personnes innocentes et de peuples entiers. La Russie est le seul pays qui ne reconnaît pas le fait de l'occupation des pays baltes. Je suis convaincue que la Russie devrait évaluer de manière démocratique et objective son rôle dans l'histoire tragique du siècle précédent. C'est sa dette morale à l'Europe. La réconciliation avec l'histoire est un processus douloureux qui fait bouleverser jusqu'à la profondeur nos fondements. C'est une séance de psychothérapie qui est vécue simultanément au niveau individuel et au niveau national. Or, c'est le seul moyen pour construire l'avenir sur des fondations saines. L'exemple de l'Allemagne nous démontre à quel point le processus de réconciliation avec l'histoire peut s'avérer bénéfique. L'Allemagne a procédé à son mea culpa. Elle a fait non seulement pour les crimes de nazisme, mais aussi pour établir de nouvelles bases solides pour une nation et un État démocratique. La République de l'Afrique du Sud a également entamé cette difficile voie d'autopurification après l'abolition du régime d'apartheid. La Commission de vérité est devenue l'outil majeur pour la réconciliation nationale. Depuis 14 années, les pays baltes sont de nouveaux maîtres de leur histoire. La Lettonie, à même titre que l'Estonie et la Lituanie, a commencé la recherche de la vérité historique, non seulement par l'étude des crimes commis par le régime d'occupation soviétique et nazi, mais aussi par la prise de conscience de la participation de ses propres compatriotes dans l'extermination des juifs organisée par les occupants nazis, ainsi que dans les répressions organisées par ces deux régimes contre la population civile. Pour devenir un État normal, dont les ressortissants ne seraient pas pourchassés par les fantômes du passé et tentés par les déviations vers l'autoritarisme, aucun pays n'a point d'autre choix que de se réconcilier avec son passé. Je suis chagrinée par le fait que 50 années après la chute du mur de Berlin, le régime communiste et son idéologie ne sont pas encore condamnés par la communauté internationale. Par une inertie inexplicable, la terreur sanglante stalinienne ne provoque pas dans la conscience des Européens la même révolte viscérale comme les crimes commis par Hitler. Ceci pourra éventuellement trouver une explication dans l'absence d'images visuelles et manque d'informations suffisantes qui ôteraient aux crimes du communisme leur véritable ampleur. À plusieurs reprises, j'ai pu décerner un ennui caché, voire même mécontentement, lorsque j'aborde ce sujet des manques de conséquences que nous pouvons observer assez souvent. Permettez-moi de vous en mentionner quelques exemples. Est-ce qu'il serait pensable qu'un ancien membre du parti nazi devienne membre du Parlement européen? Je crois qu'il n'y aurait pas un seul haut couturier qui serait tenté d'utiliser l'uniforme SS et la croix gammée comme une source d'inspiration stylistique pour les prochains défilés de mode, alors que les manteaux cuir tchéquistes et les étoiles rouges en servent souvent des motifs d'inspiration. Est-ce qu'un publiciste quelconque penserait à utiliser les portraits de Hitler et de Mussolini pour promouvoir un produit, alors que les portraits gigantesques de Mao, de Staline et de Lénine, qui en 1997 ont orné les stations du métro parisien, paraissaient à l'opinion publique appropriés pour une campagne publicitaire. La publication du livre « Noir du communisme » a provoqué un tollé de la part d'une partie des socialistes français qui considéraient les faits mentionnés comme une grande exagération. Durant les années après la chute de l'Union soviétique, les historiens et les experts occidentaux ont étudié les archives soviétiques autrefois inaccessibles. Sur la base de ces documents, des volumineuses monographies ont été publiées. Les faits qui y sont reflétés sont choquants, même pour nous qui avons vécu dans ce régime. Les auteurs de ces monographies comme Montefiore, Beaver, Service, Applebaum, Courtois ont substantiellement complété les connaissances des pages d'histoire qui nous semblaient déjà être bien connues. Au centre de ces publications se trouve le destin des victimes de guerre, de révolution et du génocide. Je me réjouis que la tradition historiographique de justifier au nom de la raison d'État toutes les exactions et tous les sacrifices humains n'y est plus la seule ligne directrice. Ce changement conceptuel est très important pour l'Europe de l'Est et les pays baltes, car pour nous, l'histoire du XXe siècle est l'histoire des perdants, avec ses contradictions, ses déviations et ses cruautés particulières. Grâce à ces nouvelles publications, les intellectuels ôtent timidement le voile pudique. Permettez-moi d'utiliser cette expression que j'ai reprise de Simone Veil. Ce voile pudique qui, durant des décennies, avait estompé à la communauté internationale une perception objective de l'ampleur réelle des crimes du communisme. Le rôle des intellectuels a toujours été de sensibiliser l'opinion publique. Alors, la prochaine étape appartient aux hommes politiques. La résolution prise cette année par le groupe des partis populaires européens, dont UMP fait la partie, sur la condamnation du communisme, n'est que le premier pas dans cette direction. Mesdames et messieurs, je crois fermement en l'avenir de l'Europe. Nous, les Européennes, nous avons démontré notre capacité de tirer des leçons de nos erreurs du passé. Nous avons non seulement reconnu et accepter le droit à la différence comme l'une des valeurs essentielles de l'Europe. Mais nous avons établi un cadre politique approprié pour préserver cette valeur. Nous avons créé une union singulière, une union des États et des nations au sein de laquelle la coopération suit les principes de la tolérance, du respect et de la compréhension mutuelle, et où tous les désaccords sont résolus par des moyens pacifiques. L'Europe a réussi à surmonter sa damnation historique pour des guerres incessantes entre les voisins et est devenue un continent de paix et de sécurité durable. Les États baltes ont rejoint l'Union européenne au moment crucial pour l'avenir de l'Europe. Le 29 octobre dernier, les représentants des États membres ont signé les traités constitutionnels. En tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai eu l'honneur de participer aux travaux de la Convention et à la conférence intergouvernementale. Or, il est inquiétant de constater qu'à l'heure actuelle, les processus vers une plus grande intégration ne rencontrent pas dans la perception des Européennes un écho aussi optimiste. Bien au contraire, les sondages démontrent une montée en puissance d'euroscepticisme. Le fait qu'un tel ressentiment se renforce également dans les pays baltes trouve son explication dans le choc lié à l'adhésion. Un phénomène similaire a pu être observé en Suède, en Autriche et en Finlande en 1995. Je m'inquiète de la montée d'euroscepticisme dans les États fondateurs de la communauté européenne, ce qui signale que pour les Européennes, le projet politique européen a perdu de son pouvoir mobilisateur. À cause d'une communication maladroite, ce projet s'est dissous dans les détails techniques. Une grande partie des responsabilités y revient aussi aux responsables politiques européennes. Est-ce qu'il aurait été imaginable en 1950, en 1955, ou encore en 1960, les discours des dirigeants européens et les préoccupations des citoyens seraient davantage liés à des questions techniques comme la libre circulation des personnes, les délocalisations des entreprises, le dumping fiscal, etc. Laissant bien derrière la dimension politique de la construction européenne. Non, je n'y crois pas. À l'époque, les souvenirs des misères de la guerre étaient encore trop forts. Il n'y avait rien de plus important que d'assurer une paix durable en Europe. Cet objectif n'a rien perdu de sa pertinence encore aujourd'hui. Simplement, il a acquis de nouvelles dimensions mondiales. comme la génération des fondateurs de la communauté européenne, les Européens d'aujourd'hui et de demain doivent en permanence garder à l'esprit l'objectif de la paix et de la stabilité dans le monde. De même, je vois un risque de dilution en suivant la logique de l'Europe de deux vitesses. L'adoption du modèle de l'Europe de deux vitesses pourrait freiner la consolidation de la conscience européenne commune après l'élargissement. Qu'est-ce qui est plus important? Une Europe solidaire, servant de solide base pour le développement futur, ou au contraire, un noyau trop bien intégré qui provoquerait un clivage entre les anciens et les nouveaux compatriotes européens? Il n'y a aucun doute. Mon choix est celui d'une Europe solidaire. Il faut tenir compte que la montée en puissance du modèle de l'Europe à deux vitesses pourrait affaiblir l'influence de l'Union européenne comme acteur politique et économique sur la scène mondiale par rapport aux États-Unis, la Chine ou d'autres pôles. La force de l'Union européenne réside dans la synergie des ressources des États membres. Des États forts forment ensemble une Europe forte et unie. Il est crucial que tous les partenaires adhèrent entièrement à ce processus. Mesdames et messieurs, la description des relations entre les pays baltes et l'Europe ne serait pas complète sans évoquer la question des relations entre l'Union européenne et les États-Unis, ainsi que de l'Union européenne et la Russie. Les points de vue de l'Union européenne et des États-Unis des fois divergent, parfois même sur des questions essentielles. Cependant, nous devrions toujours garder à l'esprit que les États-Unis sont et resteront pour l'Union européenne les partenaires stratégiques les plus importants, car nos valeurs proviennent de la même source, les siècles de lumière. Le partenariat entre l'Europe et les États-Unis a été renforcé par la lutte contre le communisme et le national-socialisme. Aujourd'hui comme hier, les Européennes et les Américains sont au service des valeurs démocratiques. Les États baltes sont déterminés à contribuer à rapprocher les opinions de l'Union européenne et des États-Unis dans les questions où les points de vue des deux partenaires divergent. La participation de la Russie au projet européen est importante aussi bien pour la région de la mer Baltique que pour le continent entier. Les changements positifs dans la région de la mer Baltique après l'élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN constituent une bonne base pour intensifier le dialogue entre les États baltes et la Russie. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se déclarent prêtes à apporter leur expérience et leur expertise particulière à l'approfondissement du dialogue entre l'Union et la Russie. Mesdames et messieurs les académiciens, en conclusion de ma communication, je voudrais rappeler que les communautés européennes ont été créées pour mettre fin aux guerres entre les voisins sur notre continent. L'Alliance Atlantique a été fondée pour défendre les valeurs démocratiques contre le totalitarisme soviétique. La poursuite du partenariat entre ces deux organisations est une question de paix, de stabilité et de prospérité dans l'avenir. Je considère que les meilleures contributions que les Européennes puissent apporter pour le renforcement de la paix dans le monde et le succès du projet de l'intégration de l'Europe. Je voudrais conclure par une vision de l'Europe unie qui date du 19e siècle, celle de Victor Hugo, membre de l'Académie française, présenté au Congrès de la paix en 1849. Et je cite: un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toutes les nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure. Quelle vision prophétique! C'était Éloge du savoir, aujourd'hui, l'Académie des sciences morales et politiques avec Sandra Calniette. Une émission de Guillaume Rialan, Daniel Finot, Christine Goémé. France Culture a aimé, France Culture rediffuse. Légende de la pensée. Les vertiges de l'action. Aujourd'hui, la traversée du Rubicon ou les tourments de la décision. Que faire? Une grande décision est à prendre. Mon choix n'est pas anodin, il m'engage durablement. C'est toute ma vie, peut-être, qui en dépend. Incertitude vive, en amont de la décision. L'alternative n'est pas quelconque. Elle esquisse peut-être l'irréversible, l'irréparable. Si je choisis A plutôt que B, ou B plutôt que A, n'y aura-t-il pas des conséquences que je ne maîtriserai pas? Il y a là véritablement un vertige de l'action, un vertige de la décision. César vient de batailler en Gaule. La guerre a été difficile. Son prestige est en cause. Pendant son absence, le triumvirat qui gouvernait à Rome s'était défait. Julia était morte, Crassus avait péri dans une guerre contre les Parthes et Pompée s'était rapproché du Sénat. Pompée était devenu l'homme fort de Rome, celui qui, peut-être, allait prendre en main ses destinées. César, mu par son ambition, ne peut admettre une telle situation. Il veut briguer le consulat. Or, il est nécessaire pour cela qu'il se présente personnellement. Mais rentrer seul à Rome, sans son armée, n'est-ce pas offrir à ses adversaires un avantage certain ? César a reçu l'ordre de disperser son armée. Va-t-il obéir? Il hésite. Il s'arrête au bord du Rubicon, une petite rivière de la Gaule cisalpine, et il réfléchit. Leibniz reprend l'exemple célèbre de la traversée du Rubicon pour nous raconter les tourments de la décision. Si quelque homme était capable d'achever toute la démonstration en vertu de laquelle il pourrait prouver cette connexion du sujet qui est César et du prédicat qui est son entreprise heureuse, il ferait voir que la dictature future de César a son fondement dans sa notion ou dans sa nature, qu'on y voit une raison pourquoi il a plutôt résolu de passer le Rubicon que de s'y arrêter, et pourquoi il a plutôt gagné que perdu la journée de Pharsale, et qu'il était raisonnable et par conséquent assuré que cela arriva, mais non pas qu'il est nécessaire en soi-même, ni que le contraire implique contradiction. Thank you. moment du choix est arrivé. Il faut, pour agir lucidement, s'affranchir des limites du lieu et du moment, et essayer de comprendre la conséquence prévisible du choix A plutôt que du choix B. Pour cela, peut-être, faut-il imaginer l'ensemble du scénario dans lequel ce choix va s'insérer et, de proche en proche, se représenter le tableau complet du monde dans lequel ce scénario va dérouler son histoire. On est à la fois spectateur et acteur. On prend la distance et le recul de celui qui observe, mais en même temps, on est porté à agir par l'ambition même. L'histoire est à écrire. C'est dire qu'elle n'est pas encore écrite et que de la décision prise va résulter un avenir que je dois maîtriser. César, donc, hésite. Franchir le Rubicon à la tête de son armée, c'est transgresser l'usage et l'ordre de Rome. C'est manifester qu'on entend agir non pas comme simple citoyen de Rome, mais comme chef d'une sorte de parti, avec des soldats qui sont dévoués corps et âme à leur chef, des soldats qui ont souffert et qui ont gagné avec César les batailles qu'il a remportées. Que choisir aujourd'hui? De la traversée du Rubicon à la marche sur Rome, de la marche sur Rome à la bataille de Pharsale, de la victoire sur Pompée à l'accès aux fonctions de dictateur, de l'accès à la fonction de dictateur à l'accès à la fonction d'impérateur, il y a à chaque fois un enchaînement qui est comme la vie de César lui-même, gravissant les échelons et donnant libre satisfaction à ses ambitions. De l'impérator César à la mort tragique au moment des Ides de Mars, quand Brutus, le fils adoptif, poignarde César, il y a aussi un enchaînement inéluctable. César s'écrie devant son fils meurtrier qui vient le tuer, « Tu quoque, mi fili, toi aussi mon fils. » Mais ce dernier acte sanglant, n'était-il pas prévu dans l'ensemble des événements qui allaient déterminer la vie de César? C'est le 7 janvier 49 avant Jésus-Christ qu'il s'est arrêté au bord du Rubicon. La rivière, dont le nom évoque les eaux rougeâtres, trace la frontière entre l'Italie romaine et la province de Gaule. Le Sénat a pourtant ordonné à César de disperser ses soldats. L'hésitation est donc à la mesure de l'enjeu. Il y a là comme une limite sacrée à ne pas franchir. Après 3 jours de réflexion, la décision est prise. Que le sort en soit jeté, alea jacta est. Le propos est rapporté par Suétone dans sa vie de César. Toute la suite de la vie de César s'inscrit donc dans le sillage de cette décision. L'enchaînement des actions impressionne tant elle semble inscrite dans la logique d'une série. C'est ce que veut dire Leibniz quand il parle de la notion de César qui est comme comprise dans son essence. On peut ainsi imaginer le roman de toute une vie et le moment crucial où elle décide d'elle-même. Par comparaison, on pourrait se référer à Raskolnikov, le héros de Dostoïevski dans Crime et Châtiment, au moment où Raskolnikov s'apprête à tuer la vieille usurière. Il éprouve en lui une sorte de fatalité impérieuse qui serait issue de la décision elle-même. Il sentait soudain de tout son être qu'il n'avait plus de libre arbitre, plus de volonté, et que tout venait d'être définitivement décidé. L'histoire, roman vrai, mais qui tient la plume? Suétone raconte la vie de César. Victor Hugo invente celle de Jean Valjean, qui fournit la trame des Misérables. Quant à l'hypothèse d'un dieu créateur qui serait comme le grand romancier du monde, elle relève bien sûr d'un acte de foi. Celui-ci est donateur de sens, et il revient à supposer un agencement des séries causales, là où l'historien ne fait que restituer après coup la logique rétrospective des événements et des décisions qui en furent la source. Qui est César? L'audacieux qui franchit le Rubicon, le vainqueur de Pharsale, le conquérant de la Gaule, le réformateur du calendrier romain, la victime de Brutus? César est tout cela à la fois sans doute, si bien que son identité, passée à l'histoire, se résume dans un terme, dans un nom, César, mais aussi dans une existence entière, mouvementée, un peu comme le scénario d'une pièce de théâtre. Il y a une logique dans la succession des rôles ainsi assumés. Le temps de la vie est une sorte d'odyssée. On peut, bien sûr, concevoir la succession dans son ordre original comme ce que produit la loi d'une série, ce que Leibniz appelle la nature de César. Le rôle serait alors écrit, mais n'est-ce pas par une sorte d'anticipation que l'on peut prétendre que ce rôle était écrit? Ainsi, il semblerait que la vie des hommes soit en quelque sorte prédéterminée, puisqu'elle est cohérente avec le tableau du monde dans son caractère complet. Mais ne peut-on pas envisager une autre conception que celle-ci, qui semble malgré tout assez solidaire de l'hypothèse d'un dieu créateur, providentiel, qui agence les choses en les réglant les unes sur les autres, qui tisse les destinées humaines en les entrecroisant et qui, in fine, construit l'économie du monde total. On pourrait en effet concevoir que chaque être humain est au départ un ensemble de potentialités entre lesquels il va en quelque sorte choisir en se choisissant, et que l'homme n'est rien de déterminé au départ, qu'il se crée lui-même par son initiative. Ce serait par exemple la conception de Jean-Paul Sartre, qui affirme que l'existence précède l'essence, ce qui est une façon de dire que nous sommes d'abord au monde, mais que nous ne sommes pas ceci ou cela, César ou Pompée, mais que nous sommes un ensemble de potentialités et que par notre liberté agissante, nous allons nous produire nous-mêmes. Ainsi, de ces potentialités qui existent en nous, il nous appartiendrait d'en faire passer à l'acte certaines plutôt que d'autres, et nous serions libres, libres d'agir, mais libres finalement au niveau le plus fondamental, c'est-à-dire libres de faire notre être en nous faisant nous-mêmes, en agissant de telle façon plutôt que de telle autre. L'homme se choisit, dirait Sartre, c'est-à-dire que, à travers sa façon d'agir, il met en œuvre une façon d'être, et à travers sa façon d'être, il définit son être. Le personnage César, qui franchit le Rubicon, s'est défini lui-même à travers sa décision. Son acte a fait advenir son être. On peut donc dire tout aussi bien que le personnage dans lequel entre le lieu et l'époque fait la personne en sollicitant certaines de ses dispositions. César et le Rubicon, deux noms propres et bientôt une sorte de grande légende historique. La résolution de l'homme d'action a trouvé dans l'histoire même son allégorie. César aurait-il pu ne pas franchir la fameuse rivière? Sans doute, mais dans un autre monde. Aurait-il d'ailleurs été encore César si l'identité d'un homme, c'est l'ensemble des actions qu'il accomplit? La décision de franchir le Rubicon n'allait pas de soi. Elle traduisait une certaine audace au regard du risque pris en toute conscience. Mais peut-on agir sans prendre ces risques? La dialectique de l'existence et de l'être rappelle ici l'étrange nature de l'humanité et des versions qu'en donnent les hommes singuliers. Nulle définition des individus ne semble pouvoir exister avant leur vie accomplie, telle qu'elles se seront façonnées. La liberté s'éprouve alors comme une faculté de se faire soi-même par son action. En ce sens, la traversée du Rubicon est mémorable. Nous avons, nous, hommes ordinaires, chaque fois à traverser le Rubicon quand nous prenons une décision qui engage nos vies. Spéciale rentrée littéraire sur France Culture. À l'occasion de la sélection France Culture Télérama, soit 20 titres français et étrangers, en direct et en public au Théâtre de la Colline, mardi 6 septembre, vous êtes invités à retrouver un grand nombre de ces auteurs et leurs textes, auxquels des comédiens viendront prêter leur voix. Soirée rentrée littéraire 2005, au Théâtre de la Colline, à Paris, présentée par Arnaud Laporte et Michel Abesca, mardi 6 septembre, en direct, en public, de 20h30 à 22h. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Tout savoir, franceculture.com. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, 9h10, les mardis littéraires se consacrent au pays et notamment aux racines familiales autour du livre de Marie Darieussecq, Le Pays, aux éditions POL et avec Thierry Hess, auteur de Jura, aux éditions Champvallon. 10h, la nouvelle fabrique de l'histoire nous fait découvrir l'histoire de la rue et ce matin, mémoire de groupe, les manifestations lycéennes avec Alain Vulbeau, historien, et Robbie Morder, président du groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants. 11h, fiction feuilleton, le psychanalyste de Leslie Kaplan, adapté par l'auteur, une série de 25 épisodes. Simon Scope est psychanalyste et jour après jour, il est à l'écoute de ses patients, Édouard, Sylvain, Marie et d'autres encore. Et puis il y a Simon en dehors de son cabinet, Simon et Eva. Deuxième épisode où Simon et Louise travaillent et Eva fait n'importe quoi. Enfin, 11h30, les chemins de la connaissance nous proposent toute cette semaine de suivre les routes du pétrole. Et ce matin, notre guide est Cédric de Lestrange, chef de bureau au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, co-auteur de Géopolitique du pétrole aux éditions Technip. Mais tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas Demorand. Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture, 6h58, bientôt 59. Le programme de ce mardi 30 août 2005 passera à 7h20 par les enjeux internationaux, décolonisation à Gaza, la gestion du dossier par Israël et ses conséquences politiques. Et on ne quittera pas la région à 7h40. Notre invité est aujourd'hui l'écrivain israélien Avraham Yehoshua. Avec Amos Oz et David Grossman, Yehoshua fait partie de cette génération de conscience et d'intellectuels engagés dans leur pays. À côté de ses romans, Yehoshua intervient fréquemment dans la presse, dans les médias. Il fait de très nombreuses conférences sur différents aspects de la vie politique israélienne. C'est une voix reconnue et très écoutée là-bas. Avraham Yehoshua est de passage à Paris aujourd'hui pour la sortie de deux livres chez Kalman Levy. D'abord un recueil d'articles sous le titre Israël, un examen moral, et son tout dernier roman intitulé lui Le responsable des ressources humaines. C'est un roman assez étrange qui raconte l'histoire d'une femme, une inconnue qui meurt dans un attentat à la bombe à Jérusalem. Sur elle, on ne retrouve aucun papier d'identité, aucun élément permettant de l'identifier, sauf un bulletin de salaire émis par une entreprise de Jérusalem. Qui est cette femme? D'où vient-elle? Quelle fut son histoire? C'est le début d'un polar métaphysique, d'une enquête menée donc par le directeur des ressources humaines de l'entreprise. On parle de l'ensemble de ces sujets tout à l'heure donc avec Avraham Yehoshua. Pour l'instant, il est 7h sur France Culture. Et la première édition du journal vous est présentée par Jean-Louis Crimon. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Travailler davantage pour mieux booster la croissance, c'est l'une des premières déclarations de Laurence Parisot, qui a succédé, vous le savez, à Ernest-Antoine Sellière à la tête du mouvement des entrepreneurs de France. Autrement dit, si la forme diffère, le fond, lui, reste le même. Il faut redonner aux Français l'envie de travailler. La France ne travaille pas assez. Compte rendu d'une première journée à Jouy-en-Josas, Bertrand Hochet. Des mesures en faveur du pouvoir d'achat, c'est ce que les dirigeants du Parti Socialiste et du Parti Communiste ont réclamé hier au Premier ministre. Dominique de Villepin a reçu, en effet, hier à Matignon, François Hollande et Marie-Georges Buffet. Marie-Georges Buffet que vous entendrez dans cette édition. Enfin, histoire du Shandai de Shanghai, 79 millions d'articles de textiles chinois vont bientôt gagner les rayons des magasins de vêtements des 25. Peter Mandelson, le commissaire européen au commerce, a annoncé effectivement hier avoir lancé les procédures pour débloquer les produits retenus depuis plusieurs semaines dans les ports européens. Explication en fin d'édition de Pierre Benazet. Mais tout d'abord, nouvel incendie à Paris dans un immeuble vétuste habité par des familles africaines. 6 morts, dont un enfant de 6 ans et 2 blessés graves. 10 personnes, dont 4 pompiers, ont également été légèrement blessées. Le feu a éclaté vers 22h dans un immeuble squatté par des Ivoiriens dans le 3e arrondissement de Paris. Un immeuble de 5 étages situé rue du Roi Doré, une rue étroite en sens unique donnant dans la rue de Turenne. Hier, 4 jours après un premier incendie, l'incendie de l'immeuble du boulevard Vincent Auriol qui a fait 17 morts, dont 14 enfants, les familles rescapées se trouvaient toujours dans l'attente d'un relogement. La mairie de Paris devrait faire aujourd'hui de nouvelles propositions et de l'avis de la plupart des responsables des associations concernées. Cette fois, le dossier est pris très au sérieux par les services. Omar Waman. Un bail et une clé, c'est ce que réclament les familles déterminées à ne pas quitter le gymnase tant qu'elles n'auront pas obtenu un relogement décent et définitif. Hier, les premières réunions entre les bailleurs, les représentants de la mairie, de la préfecture, les associations et les familles ont abouti aux premières visites d'appartements, malgré les réticences de certains rescapés du boulevard Auriol, décidés à ne pas accepter n'importe quelle proposition. Olivier Fillette, sous-directeur de l'habitat et du logement à la préfecture de Paris. On avait présenté 7 logements que l'on croyait tout à fait adapté aux familles. Il se trouve que pour un des logements était un faux F5 et non pas un F4. Donc la famille a très justement refusé et on lui fera une autre proposition. Il y a une autre famille dont la mère de famille n'a pas pu se déplacer. Sa fille y est allée, a trouvé l'appartement qui lui convenait très bien, hein, et la mère a souhaité le visiter elle-même. Donc on a organisé un moyen de transport pour qu'elle puisse aller le visiter avec tous ses enfants. Voilà les problèmes auxquels on est confrontés. C'est pas plus compliqué que ça. Également partie prenante de la négociation, la Fondation Abbé Pierre, selon laquelle 110 000 demandes de logements sociaux sont en attente à Paris. Patrick Doutreligne. Apparemment tout le monde joue le jeu, la préfecture, la ville, les bailleurs, et on espère faire des propositions intéressantes. Non, ça n'achoppe pas, c'est même relativement rapide par rapport à ce qui se passe d'habitude. Certaines familles sont sorties indemnes du sinistre. C'est le cas de celle de Jean Kiel, une jeune femme de 24 ans qui vivait au 20 boulevard Auriol avec son fils de 15 mois, ses parents et ses frères. Une possibilité de relogement pour toute la famille a été trouvée dans la soirée. Un F5. Ça faisait combien de temps que vos parents avaient fait une demande de logement social? Ça fait 20 ans, on va dire, depuis qu'on est tout petit. On m'a toujours dit, pour les familles nombreuses, ça prend des années et des années. On n'a aucun logement qui vous convient, on m'a toujours dit ça. Et là, tout de suite, en 3 jours, on nous a proposé quelque chose. C'est le malheur des autres qui fait notre bonheur aujourd'hui. La mairie de Paris et l'État se sont engagés à reloger toutes les familles avant la fin de la semaine, reconnaissant que la France a accumulé un retard énorme en matière de logement social au cours de la dernière décennie. Reportage signé Omar Waman. Le changement dans la continuité au MEDEF, avec cette première déclaration de Laurence Parisot, le seul moteur de la croissance, c'est que la France travaille davantage. Dans une interview publiée ce matin par notre confrère Le Figaro, la nouvelle patronne des patrons affirme souhaiter rétablir un peu de confiance dans ses relations avec les syndicats pour arriver à un accord sur l'emploi des seniors et surtout avancer sur la pénibilité au travail. Laurence Parisot présidait hier à Jouy en Josas dans les Yvelines le conseil exécutif de rentrée du MEDEF juste avant l'ouverture de l'université d'été du mouvement patronal. Et hier, pour son premier rendez-vous public, Laurence Parisot a joué en douceur la partition de la nécessité du contrat nouvelle embauche et du dialogue social pour mieux réinventer le monde, c'est l'intitulé de l'université d'été des patrons, réinventer le monde ou pour mieux réinventer le monde de l'entreprise, c'est donc toute la question, Bertrand Hochet.